بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il dit aussi: لا يشبع المؤمن من خير نسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، c'est-à-dire le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Donc la science de la religion donc permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est donc justement d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. On doit remercier Dieu donc pour le fait qu'on existe, qu'on respire, etc. Et le premier remerciement, le premier devoir, c'est la foi en Dieu. Donc Allah Ta'ala dit: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, c'est-à-dire si vous essayez d'énombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, et c'est pour cela le remerciement de Dieu n'a pas lieu par autre donc que le fait de croire en Dieu. Le fait d'être gentil, d'aider les gens, ça ne suffit pas, parce que Dieu donc a obligé de croire en lui, et c'est lui qui nous a accordé le fait d'exister, de respirer, de voir, etc. Donc le prophète, il l'a dit aussi dans le hadith, il a dit: afdalu al-a'mal imanu billahi wa rasulihi, c'est-à-dire la meilleure des œuvres est la croyance et la foi en Allah et en son messager. C'est la meilleure des œuvres. Après la foi, c'est les cinq prières. Et il a dit aussi certes, donc il a dit: ala wa inna qalilan min al-amal ma'a al-'ilm billahi yanfa' wa inna kathiran min al-'amal ma'a al-jahl billahi la yanfa'. Donc ce hadith signifie: certes, peu d'œuvres avec en ayant la bonne croyance au sujet de Dieu, c'est profitable, et beaucoup d'œuvres en ayant une mauvaise croyance au sujet de Dieu donc n'est pas profitable. Quelqu'un qui fait peu d'actions et en ayant la bonne croyance, dans plusieurs hadiths, nous apprend le prophète, même en donnant la moitié d'une dat, même en souriant à son frère en islam. Donc il y a beaucoup de portes de bien. Donc ça c'est profitable avec l'islam. Mais beaucoup d'œuvres sans la foi, c'est pas utile dans l'au-delà. Donc, comme il y en a qui ont déjà assisté, on va poser quelques questions. Qui peut nous donner le hadith, l'ayah déjà qui montre que sans la foi, il n'y a pas de récompense? Verset du Coran, il y a un hadith, il y a une ayah qui montre qu'il n'y a aucune récompense sans la foi. Et il y a un hadith qui dit que le mécréant, il est rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie. C'est important de répéter et de mémoriser la religion. Donc, il y a à prendre le cours, notamment comme dans l'ayah du Coran, Allah Ta'ala dit: Qu'ou anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara. C'est-à-dire, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont combustibles seront des pierres et des humains. Comment se préserver soi-même, sa famille, son entourage? En apprenant et en conseillant. Donc ça vient de génération en génération. Donc alors qui peut nous dire le hadith? Donc la ayah, alors donc Allah Ta'ala dit: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Qui signifie: les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportées par le vent un jour de tempête? Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportées par le vent un jour de tempête? Donc il n'y a aucune récompense dans l'au-delà sans la foi. Et le hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ فِي الدُّنْيَا. Il y en a, ils n'entendent pas. Peut-être un peu la voix fatiguée parce que le week-end. C'est bon, c'est qu'on est resté dans un mariage où on a répondu aux questions jusqu'à 6 heures du matin. Donc, bah, après la voix, elle est partie. Parce que les gens, de nos jours, justement, là, ils disaient, ils vont à la mosquée, mais ils n'ont pas l'occasion d'apprendre la religion. Donc, c'était à cette occasion-là, c'était le vendredi, donc ils me disaient qu'ils vont à la mosquée, ils entendent des choses, mais ils sortent, ils n'ont pas retenu. Donc c'était content d'écouter les détails sur la croyance. Beaucoup ils sont venus ici aussi, il y en a, ils disaient, ah, ça fait 20 ans je vais à la mosquée, mais j'ai pas écouté un cours sur la croyance. Donc c'est important, c'est vraiment les bases là de la religion, sont les bases, donc on peut pas avancer. Comme une construction, il faut les bonnes fondations. Donc on a dit, alors le hadith du prophète, والسلام, il a dit, وأما الكافر فيطعم الحسنات في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. C'est-à-dire quand on est créant, il sera rétribué pour ses bonnes œuvres dans cette vie. Et dans l'au-delà, il n'aura pas de récompense. Donc, le non-musulman, s'il aide des gens, etc., etc., sa récompense, c'est quoi? C'est dans cette vie. C'est quoi la récompense dans cette vie? On sent que c'est facile, ça. Voilà, donc les plaisirs de ce bas-monde, la santé, les enfants, l'argent, l'éloge des gens. Les gens, ils aiment bien quand on parle d'eux. On voit des mécréants qui ont aidé les gens. Chaque année, on va parler d'eux, on va faire un festival sur eux, etc. On va les citer dans les livres. Donc, c'est un plaisir mondain quand même. Donc ça, c'est la récompense. Donc le prophète nous montre clairement, voilà. Ça répond à la question de beaucoup de gens. Quand on parle après la religion, on dit, ah oui, mais lui, il était gentil avec les gens, etc. Et bah, il a une récompense, mais dans cette vie. Dans l'au-delà, il n'y a aucune récompense. Sans la foi. La foi est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Donc, l'importance de se maintenir sur la foi. Et Allah Ta'ala dit, « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » C'est-à-dire, il mourrait qu'en étant musulman. Donc la foi, c'est l'iman en arabe, c'est reconnaître la véracité. Donc la foi dans la langue, c'est reconnaître la véracité. Dans la religion, c'est reconnaître la véracité de ce qui est parvenu dans la loi de Dieu. Donc ce que Dieu a révélé, et ce que le prophète a transmis. Reconnaître la véracité de cela. Ça, c'est la foi. Donc, il est important de savoir que démentir, ça annule la foi. D'accord? C'est pas parce que on est d'origine musulmane, on parle l'arabe et puis qu'on peut se permettre de démentir la religion, parce que ça annule la foi. Parce que la foi, ça englobe ça veut dire reconnaître la vérité. Donc, démentir, même en plaisantant, ça annule la foi. C'est-à-dire, la personne sort de la religion. Donc, il y a un hadith très connu. Je pense que tout le monde connaît ici, la majorité, moi, le hadith qui cite les piliers de la foi. Dans le hadith, le prophète, il a cité combien de piliers de la foi? 6. 6, très bien. Alors, qui connaît le hadith? Même la signification en français? Alors, c'est facile. Se croire en Dieu. En ses messagers, en ses livres, en ses anges, au jour dernier, à la destination, que ce soit du bien ou du mal. Donc voilà, donc « Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhiri wa tu'mina bil qadari khayri wa sharri » Tu crois en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, et tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Ça, c'est les 6 piliers de la foi indispensables. Sans ça, c'est-à-dire la personne, elle est mécréante. Celui qui n'a pas tous les piliers, il est mécréant. On ne peut pas dire non, je crois en quelques piliers, mais pas les autres. Donc, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il a dit Abu Hanifa sur la foi? Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Abu Hanifa, c'est un grand savant, c'est le premier des 4 écoles sunnites, très connu, il est né en 80 de l'Hégire, il est décédé en 150, donc ça fait plus de 1300 ans. Donc ça, c'est des grands, grands savants vraiment de l'islam. Et lui, donc, il a dit une parole très importante sur la foi, qui vient du Coran, du Hadith. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit qu'il y a conscience que il n'y a pas d'islam sans foi et pas de foi sans islam, que les deux sont comme le plat et le revers d'une même chose. Voilà. Donc il a dit la yakunu iman bila islam wa la islam bila iman fahuma kadh-dhahir ma'a al-batn. Il n'y a pas de foi sans islam ni d'islam sans foi. C'est comme le plat et le revers. Donc c'est inséparable. C'est vrai, quand tu prends une feuille, il y a toujours deux côtés. Même qu'elle soit épaisse ou fine, toujours il y a deux côtés. C'est inséparable. Bien que les côtés soient différents, ben, ils seront inséparables. Donc la foi et l'islam, ils sont inséparables. Donc même s'ils ont un sens du point de vue de la langue différent, mais du point de vue de la religion, c'est inséparable. C'est-à-dire on ne peut pas être croyant sans être musulman. Et on ne peut pas être musulman sans être croyant. Maintenant, il y a le croyant faible et le croyant fort. Le croyant faible, c'est celui qui a le minimum. Il croit en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier. Il croit que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Il reconnaît que c'est vrai tous les devoirs que Dieu a ordonnés, ce que Dieu a interdit, c'est vrai. Il renie pas. Mais il est faible, il ne pratique pas certaines choses, il fait quelques péchés. Mais il reconnaît que ce que Dieu a interdit est véridique, ce qu'il a ordonné, c'est véridique. C'est-à-dire, il renie pas, c'est ça que ça veut dire, il ne renie pas. Parce que renier, ça annule l'islam. Là, ça contredit la foi. Ça, c'est des règles importantes. Si quelqu'un est... Même s'il boit jamais d'alcool, mais plaisante, il dit l'alcool c'est licite, il dit le porc c'est licite, juste pour faire des gens, bah il est mécréant sur le champ, il n'est plus musulman du tout. C'est plus grave que celui qui boit de l'alcool tous les jours. Parce qu'un musulman qui boit, il n'a pas démenti, juste il ne pratique pas. Alors que celui-là, il a démenti. Donc démentir, c'est plus grave que ne pas pratiquer. Donc pareil pour la prière ou... pour d'autres obligations. S'il ne fait pas, en reconnaissant qu'elles sont obligatoires, parce qu'il est paresseux, donc c'est un musulman désobéissant, faible. C'est un croyant faible, ça s'appelle. Mais s'il renie, il n'est plus musulman, même si soi-disant il pratique. Par exemple, il va toujours tous les jours à la mosquée, mais il dit, la prière, c'est pas obligatoire. Juste pour faire des gens, par exemple, où il est en colère, ou il plaisante. Colère, plaisanterie, tout ça, c'est pas une excuse. Donc, il a démenti, donc ça annule la foi. Donc, vous voyez, donc, tout est réglé dans la religion. Comment la foi est confirmée pour une personne, qu'est-ce qui annule cette foi? Et comment se corriger? Donc, bien sûr, on peut toujours se corriger. N'importe quel péché, on peut toujours se corriger tant que c'est pas trop tard. Quand est-ce que c'est trop tard? Dans la religion aussi, c'est expliqué quand est-ce que c'est trop tard. Tout est expliqué dans la religion. C'est trop tard quand il voit l'ange de la mort. C'est trop tard. Il meurt, c'est trop tard. L'a dit le prophète, quand le soleil va se lever de l'autre côté. Ça, c'est parmi les consignes de la fin du monde. Là, c'est trop tard. Mais tant que c'est pas trop tard, il peut se corriger. Et d'ailleurs, à l'époque du prophète, il y a des gens qui se sont convertis juste avant de mourir de quelques instants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait un non-musulman qui était à son service et il était sur le lit de la mort. Il est parti le voir avec les compagnons, il lui a dit « Convertis-toi ». Il s'est converti, il est mort. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Alhamdulillah, il a vu un qadahubi minanna. La louange à Dieu qui l'a sauvé par ma cause du feu, de l'enfer. Il lui a pas dit, attends, on va faire circoncire, on va ramener des gens, etc., comme ils font malheureusement. des gens ignorants dans beaucoup de salles de prière et mosquées. Ils disent aux gens, attends, j'ai pas le temps, reviens plus tard, réfléchis, remplis un formulaire. Ou il y en a, ils disent non. Tout ça, c'est de la mécréance. Le fait, parce que dans l'islam, il y a une règle, c'est approuver la mécréance et la mécréance. Donc, quelqu'un qui veut se convertir, on lui dit, attends, c'est comme si on lui dit, reste encore mécréant. Et ça, c'était déjà par les savants. Comme Nawawi, notamment, dans Rawdatut Talibin, qui a plus de 700 ans. Donc, ça, malheureusement, on le trouve dans des mosquées, carrément. Quelqu'un qui veut se convertir, lui dit, ah non, attends, rendez-vous le vendredi devant les gens. Le fait qu'il lui a dit, attends, l'imam lui-même devient mécréant. Parce que, qu'est-ce qui lui a fait dire ça? C'est l'ignorance. Donc l'ignorance l'a fait tomber dans la mécréance. Quelqu'un qui a un minimum de science, bah, lui dit, la mort ne prévient pas. Donc, c'est-à-dire, il va lui dire de se convertir tout de suite. Donc, et après, il lui dit, si tu veux, bah, le vendredi, on va annoncer devant les gens ta conversion. Et tu vas prononcer les deux témoignages à titre d'évocation, parce qu'il s'est déjà converti. Donc, il peut se convertir, et puis après, il annonce devant les gens. Donc donc c'est faisable. En tout cas, même chez lui, quelqu'un qui dit les deux témoignages, il y croit, il devient musulman. C'est-à-dire, même si c'est par téléphone, on pose la question, tu peux le convertir par téléphone. Du moment qu'il a la bonne croyance et le témoigne. Donc on fait faire attention à ces choses-là que malheureusement c'est répandu dans des salles de prière des mosquées. Ça montre la confirmation de ce que le prophète nous a dit, que parmi les signes de la fin du monde, il y a la propagation de l'ignorance et des gens qui interrogent des chefs, c'est-à-dire il a dit le prophète, les gens qui vont prendre à leur tête des ignorants comme référence, et qui, interrogés, répondront sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des autres. Il a dit cela, le prophète, parmi les signes de la fin du monde. Et c'est ce qu'on voit beaucoup, ces choses-là. Les gens, ils prennent le titre de docteur, d'imam, de cheikh, en se basant sur l'ignorance des gens, parce que quand on est ignorant, la personne ignorante va se fier à l'apparence. Un grand compagnon, il a dit, c'est-à-dire, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. La preuve, c'est pas parce qu'il est connu, il a écrit plein de livres, ou il passe dans une chaîne arabe, ou ça, c'est pas du tout une preuve. La preuve, c'est les règles de la religion. Donc, il y a des gens, malheureusement, c'est des charlatans, donc en fait, ils induisent les gens en erreur. C'est pour cela que le prophète salam, est obligé d'apprendre ce minimum. C'est obligatoire d'apprendre ce minimum. La mort ne prévient pas, et dans l'attente, tu ne seras pas que ton ami, ton entourage, ta mère, ton père, tu ne seras pas avec ta famille, et regretter après la mort, c'est trop tard. Et la mort ne prévient pas. Comme on sait, dans l'islam, on rend des comptes depuis la puberté. C'est important de savoir. Shaitan peut venir aux gens et dire, ah, mais t'es jeune, encore plus tard. La mort ne prévient pas. Donc, les gens, ils meurent tous les jours à tout âge. Avant la puberté, les anges, ils notent pas les péchés. Dès que t'es pubère, ils notent. Donc, on a dit, la foi et l'islam, c'est inséparable. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Muhammad, c'est un mécréant. Si quelqu'un ne croit pas en Isa, en Moussa, c'est un mécréant. Parce que tous les prophètes, c'est des musulmans. De Adam jusqu'à Muhammad. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, tu as une question là, donc, pour voir, inshallah, ce qu'il y a mémorisé. Alors, citer une ayah qui montre que tous les prophètes, c'est des musulmans. Donc, un verset que j'ai dit. Parce que c'est sûr, tous les prophètes, ça, c'est indiscutable, hein. Selon la raison, c'est impossible que Dieu envoie des messagers qui appellent à des croyances contradictoires ou des croyances stupides contraires à la raison. Parce que la raison saine confirme que l'islam est la seule vraie religion. Toutes les autres religions, autres que l'islam, ils adorent des vaches, des statues, une imagination. Toutes les autres religions, c'est comme ça. la seule religion qui dit que Dieu n'est pas attribué de forme, ni de couleur, ni de quantité, il est le créateur de l'espace, du temps, et tout ce qui a une forme, une couleur, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Et ça, c'est important. Tu as les preuves pour montrer aux gens que c'est, l'islam est vrai. Les preuves sont la raison. Parce que Dieu nous a donné la raison. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, à peu près, ça permet de savoir ce qui va bien, pas bien. Donc, la définition des savants, c'est une caractéristique que Dieu a donnée à l'être humain. C'est une caractéristique que Dieu a donnée aux anges, aux humains, aux djinns. Pas aux animaux. Donc c'est pour ça qu'ils ne rendent pas des comptes. Donc, la raison, c'est un bienfait de Dieu. Donc tu vas rendre des comptes. Est-ce que tu l'as utilisé correctement ou non? C'est pour cela Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions raisonné, si nous avions écouté et raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Dans l'islam, celui qui était fou toute sa vie, il ne rend pas des comptes. Donc, celui qui a la raison, bah, il n'a pas d'excuse. Parce que selon la raison, quand tu vois l'univers, les créatures, leurs différences, leurs différentes couleurs, formes, quantités, forcément, elles ont besoin de qui les a spécifiées. Par cette forme, au lieu d'en avoir une autre. Le soleil aurait pu être plus grand, plus petit, ne pas exister. Donc il a besoin de qui l'a spécifié par le fait d'exister au lieu de ne pas exister. Par le fait d'avoir cette forme précise au lieu d'une autre. Par le fait de se lever de ce côté au lieu d'un autre. On aurait pu ne pas exister, ou exister à notre époque. Forcément, un créateur qui nous a spécifié par le fait qu'on existe à cette époque au lieu d'une autre. Allah dit dans le Coran: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. C'est-à-dire, certes, dans la création des cieux et de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Tu dis le soleil, le ciel, la terre, le changement, forcément, ils ont besoin de qui les fait changer, de qui les spécifie par ses caractéristiques. Et c'est Dieu. Dieu, le créateur de tout. Il ne ressemble pas à ses créatures. S'il ressemblait aux créatures, il aurait été une créature. Il aurait besoin de qui il spécifie. Qui dit ce message-là? L'islam. Donc l'islam est la seule vraie religion selon la raison. Donc les prophètes, forcément, ils appellent une croyance conforme à la raison saine. Donc leur religion est la même. Qu'est-ce qui change entre les prophètes? Alors, comme il a dit le prophète, il a dit c'est la loi. Dans le hadith, le prophète, rapporté par le Bukhari, il a dit « Al-anbiya wa ikhwatun li'allat dinuhum wahid ». Il dit que les prophètes, c'est comme des frères du même père, leur religion est la même. C'est l'islam. Qu'est-ce qui change? C'est les lois. Combien de prières, la zakat, le jeûne. Donc c'est vraiment exactement la même croyance. C'est juste comme les actes pratiques changent selon l'époque. Et la langue. Ils ne sont pas tous arabes. Donc la langue, ce n'est pas une religion. Donc il y a certains prophètes qui parlent l'arabe, il n'y en a que quatre qui parlent l'arabe. Certains. C'est-à-dire quatre prophètes arabes, sans compter Adam. Adam, il parlait toutes les langues. Adam, c'est le premier homme, premier prophète. Donc il y en a, ils parlaient l'hébreu, le syriaque. Mais hébreu, c'est pas une religion, c'est une langue. Moussa, il parlait l'hébreu. Mais il est musulman. Tous les prophètes, c'est des musulmans. C'est-à-dire, tous les prophètes disaient, ce monde, il a un créateur, il n'a pas de fils, il n'a pas d'associé, il ne se fatigue pas, il n'habite pas le ciel, c'est pas des statues, c'est pas une lumière, c'est pas un homme magique qui habite le ciel. Il a créé le ciel, le trône, le paradis, il existe avant ces créatures. Rien n'est tel que lui, rien n'a son ressemblance avec lui. On ne dit pas où, on ne dit pas quand, ni comment. Il est le créateur de l'espace du temps, donc il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Donc on dit qu'il est, comme on dit les savants d'islam, Allah mawjoud bila kayf, wala makan, wala zaman. Donc, des centaines de savants, donc on dit cela, et ça c'est la croyance des prophètes. Dieu existe sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Il a créé l'air, il ne ressemble pas à l'air. Ça c'est pour détailler. Il a créé la lumière, il ne ressemble pas à la lumière. C'est ça l'islam. C'est cette croyance-là. C'est ça que ça veut dire musulman. C'est-à-dire qu'ils avaient cette croyance-là conforme à la raison saine, qui est la seule vraie croyance. Donc la seule vraie croyance, c'est que ce monde, donc au sujet de Dieu, c'est que ce monde, il a un créateur et le créateur ne ressemble pas aux créatures. C'est quoi les créatures d'ailleurs? Donc ça, on l'a vu plusieurs fois. Hein? Tout ce qui est un début, donc je l'avais vu, enfin ceux qui ont assisté plutôt déjà, donc il y a une définition. Tout ce qui a un début, tout ce qui est créé. Les créatures changent, mais il y a une définition précise, on a dit. C'est pour voir un peu, parce que ceux qui ont déjà assisté plusieurs fois, parce que c'est bien d'assister, après de commenter, de passer de niveau en niveau pour après transmettre. Ça, hop, il y a quelqu'un d'absent, on a des gens qui remplacent. Parce qu'il y a de la demande, hein. Donc, et parce que si quelqu'un, quelqu'un, il sait pas nager, il peut pas sauver les gens qui se noient. Si on connaît pas la religion, on peut pas conseiller les gens. Donc alors, on l'a dit, c'est quoi les créatures? Les créatures, tout ce qui a existé après ne pas avoir existé. Alors, il y a combien de types de créatures? De croix. C'est quoi? L'homme, enfin nous, les diables et les anges. Ah, là c'est... Ça c'est... T'es parti plus en détail, on va dire. C'est pour ça que moi j'ai dit ceux qui ont déjà cité pour un peu rafraîchir la mémoire. Donc alors... Deux secondes. Oui. Ben, ouais, il faut parler. Un saisissable là, c'est quoi? Impalpable ou impalpable? Alors, il y a une précision, il manque une précision. Donc, il a dit, il y a les corps palpables et impalpables. Il y a autre chose. Alors? Les corps et les caractéristiques des corps. Voilà. Les anciens là-bas, ça. D'accord. Donc, alors, les corps et les caractéristiques des corps. Ça, c'est, retenez, Dieu a créé les corps et les caractéristiques. Donc les corps eux-mêmes, ils se divisent en corps palpables et impalpables. Donc vous voyez le schéma? Donc, c'est pour ça que moi je dis les parties en détail. Et la plupart sont parties à un niveau de détail avancé. Alors que c'est le niveau de détail, Dieu a créé le monde, l'univers, les créatures, tout ça c'est synonyme. Et les créatures, l'univers, le monde se divisent en deux. Les corps... Et les caractéristiques. Dans les corps, il y a les corps palpables, les corps impalpables. Dans les corps palpables, on a les humains, on a les pierres, les plantes. Dans les corps impalpables, on a les anges, les djinns. Bon, les djinns peuvent se transformer. Ça, c'est un détail. L'air, l'obscurité et la lumière. C'est pour ça que vous êtes parti loin dans le détail, mais moi, je voulais le détail en haut. Donc, le monde des créatures se divise les corps et les caractéristiques. Les corps palpables, ça veut dire on saisit à la main, pierre, plomb, humain, enfin bois, etc. Les corps impalpables comme l'air, mais tu saisis pas, l'air il existe. La lumière, c'est un corps impalpable. L'âme à l'intérieur du corps, les anges ils peuvent rentrer dans ton corps, tu sens pas. Le noir c'est pas un corps, c'est une caractéristique qui existe, mais c'est ni pas un corps, ni palpable, ni impalpable. C'est pas un corps, mais c'est une caractéristique du corps. Le mouvement, les mobilités. Quand t'as mal, tu dis pas regarder une douleur. C'est une caractéristique. T'es triste, joyeux, faim, soif. C'est des caractéristiques que Dieu a créées. Par exemple, les anges. Dieu a créé les anges. Ils ont pas faim, ni soif. Ils ont pas envie de se reproduire. Ils tombent pas malades, ils se fatiguent pas, ils dorment pas. Parce que c'est des caractéristiques que Dieu n'a pas créées en eux. Tout simplement. Ils mangent pas, ils dorment pas, ils ne sont ni mâles ni femelles, ils se fatiguent pas, ils se reproduisent pas. Donc faim, soif, tristesse, maladie, etc. C'est caractéristique que Dieu a créé. Tout simplement. Quand tu prends le sucre, tu mets dans ta bouche, il ressemble un peu au sel, mais là, tu mets le sucre, t'as une sensation du sucré, l'autre t'as une sensation du salé. Cette sensation, c'est créée par Dieu, tout simplement. Quand Saïd l'Abraham l'ont jeté dans le feu, le feu, il n'a pas brûlé. Mais toi, si tu mets ta main dans le feu, tu vas sentir la douleur. Mais lui, ça, il est fait de chair et d'os, comme toi. Mais il n'a pas senti. Parce que Dieu, dans certains cas, il n'a pas créé la brûlure. Dans l'autre, il a créé la brûlure. Donc c'est Dieu qui crée les caractéristiques. Les corps, les caractéristiques. C'est ça la croyance musulmane. Le seul créateur qui fait parvenir les choses du néant à l'existence, qui fait passer les choses du néant à l'existence, c'est Dieu. Un grain de poussière ne peut pas exister sans la création, sans la volonté de Dieu. Chaque instant n'existe que par la création de Dieu. Un instant ne peut pas exister sans la création de Dieu, c'est impossible. Selon la raison, s'il arrivait quelque chose malgré Dieu, il aurait un associé. S'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait faible, impuissant, incapable. Celui qui est faible, impuissant, incapable n'est pas Dieu. Donc selon la raison, c'est impossible qu'arrive autre que ce que Dieu a voulu. Donc la croyance de vérité est conforme à la raison saine. Donc c'est pour cela, donc la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est quoi un verset qui montre l'islam est la seule vraie religion? Donc il y en a beaucoup, comme Allah Ta'ala dit, « Inna dina indallah l'islam ». C'est-à-dire, certes, l'islam est l'unique religion que Dieu agrée. « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » C'est-à-dire, celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Et donc, vous voyez, par exemple, quelqu'un que tu veux convaincre, si tu lui cites les versets, il va pas accepter, parce que lui, déjà, il est mécréant. Mais si je lui cite les preuves qu'on a citées sur la raison, là, donc il n'aura aucune excuse, aucun argument contre. Parce que la vérité, toujours, elle dépasse, on ne va pas la dépasser. Elle surpasse, on ne va pas la surpasser. Al-haqqu ya'lu wa la yu'la 'alayh. Donc, vous voyez les preuves qui montrent que l'islam, c'est une vraie religion, et la vraie religion, la seule vraie. Et c'est pour cela Allah dit dans le Coran, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ » على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل أدعو قل هذه سبيلي c'est ma voie أدعو إلى الله j'appelle à croire en Dieu على بصيرة c'est-à-dire la voie à laquelle j'appelle elle a des preuves selon une preuve comme on l'a montré qui montre qu'elle est donc c'est cité dans le Coran quand le prophète عليه الصلاة والسلام il est appelé à la religion. Certains, ils ont dit, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim la muhra'un. Ils ont dit, ah, mais on a trouvé nos parents sur cette religion, on les suit, hein, c'est tout. Et ils suivaient avec les mots. Alors que, non, le prophète dit, ala basira, c'est-à-dire, selon une preuve claire, explicite, telle qu'on l'a montré. Donc, que l'islam est donc la vérité. Donc Dieu, donc à retenir Dieu le créateur des corps et des caractéristiques des corps. Retenir les bases, ça aide beaucoup à comprendre la religion. Quand tu construis, tu fais des bonnes fondations, tu peux construire et bien. C'est comme ça. Donc Dieu a créé les corps et les caractéristiques. Ça veut dire ta pensée, tes sentiments, ta volonté, c'est une créature de Dieu, tout simplement. Et ça te permet de comprendre la prédestination du bien et du mal, qui fait partie des piliers de la foi. Et c'est là, beaucoup de gens ils se posent des questions là. Mais si tu apprends les bases, tu as bien compris. On a une volonté, mais c'est créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé la volonté et le penchement de celui qui penche vers la foi, et la volonté et le penchement de celui qui penche vers le mal. Et là, c'est important de savoir ce que Allah nous dit dans le Coran, « La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun ». Et là, qu'il faut savoir s'arrêter, c'est que Dieu, on ne peut pas le comparer aux créatures. Il dit, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Et eux, ils seront interrogés, il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas dire à Dieu pourquoi tout le monde n'est pas bon, c'est pourquoi tout le monde n'est pas comme les anges. Il ne faut pas dire à Dieu pourquoi tu n'as pas guidé tout le monde. Là, non. Parce que Dieu nous apprend dans le Coran, dans plusieurs versets, que s'il voulait, il aurait guidé tout le monde. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur voulait, tous les gens des cieux de la terre, ils auraient cru. Et Allah Ta'ala dit, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. C'est-à-dire, et si Dieu voulait, il aurait guider tout le monde. Mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui rentrent en enfer. Mais on ne peut pas dire à Dieu pourquoi, parce que tout lui appartient. Et donc, l'injustice est impossible à son sujet. C'est pour cela qu'il dit « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمْ لِلْعَبِيدِ » C'est-à-dire, certes, ton Seigneur n'est pas injuste envers les esclaves. Car tout lui appartient. Donc, par exemple, on ne peut pas dire « Dieu, pourquoi tu m'as pris mon fils, il est mort jeune » ou « Pourquoi il y a des bébés qui meurent dans la guerre ou dans les catastrophes naturelles, ils n'ont pas fait de péché ?» Ou « Des bêtes, ils souffrent sans faire de péché. Ben, » Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Donc, celui qui n'a pas compris ça, il va s'égarer. Donc, tout lui appartient, il n'a pas de compte à rendre. Si Dieu voulait, il n'aurait pas créé l'univers. Mais Dieu a créé, mais il n'en a pas besoin, bien évidemment. Parce que s'il avait besoin des créatures, il n'aurait pas été capable de les créer. Donc le besoin contredit la divinité. Dieu n'a besoin de rien et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Donc Dieu n'a besoin de rien. Ça c'est parmi la croyance de l'islam, la croyance des prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. Donc, et puis Allah dit dans le Coran clairement, وَنَفْسِهُ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَ وَتَقْوَاهَا. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est dit clairement dans le Coran, c'est Dieu qui crée le penchement vers le bien ou le penchement vers le mal. Donc c'est Dieu qui te guide vers le bien et c'est Dieu qui égare. Il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Donc on ne peut pas dire à Dieu, comment ça se fait, c'est toi qui égare des gens et c'est toi qui vas les châtier. C'est vrai que c'est Dieu qui égare des gens, c'est Dieu qui va les châtier, mais il fait ce qu'il veut. Il guide et il égare. Quand tu as trouvé du bien, tu remercies Dieu. Mais tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi tu n'as pas donné tout ce bien-là à tout le monde. Donc Dieu fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui guide et égare. Le prophète, il appelait l'islam, c'est pas tout le monde qui a cru. Et c'est vrai que les gens, ils sont contents, ils disent « Ah, j'ai trouvé la vérité et tout ça, c'est clair. » Ils voient que certains, ils comprennent pas, ils sont égarés, ils comprennent pas. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Donc, alors, on a dit, c'est Dieu qui guide et égare. Donc, nous, le fait que le plus grand bienfait que Dieu accorde, c'est d'être musulman. Et c'est, comme il a dit le prophète, celui pour qui Dieu veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc, c'est un bon signe si quelqu'un, Dieu lui a facilité ou trouvé ou apprendre. Parce que c'est Dieu qui guide et égare. Il se peut que quelqu'un, il est juste à côté, mais Dieu lui a pas facilité. On le voit très bien, les gens, 1400 ans après le prophète, ils sont convertis, ils pratiquent l'islam, mais des gens de sa famille, ils l'ont vu, ils ont vu des miracles, mais ils sont pas convertis. Qu'est-ce qui fait les différences? C'est que Dieu a guidé ceux-là, et ceux-là, non. Et les gens, ils étaient ennemis du prophète à l'époque, de sa famille. Donc c'est Dieu qui guide et égare. Donc Dieu, là, on voit bien, Dieu fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Ça, c'est important de comprendre. Tout lui appartient. C'est lui qui guide, c'est lui qui égare. Il a prédestiné le bien et le mal. Donc, vous voyez, c'est lié. Sauf que Dieu récompense le bien, il ne récompense pas le mal. Il fait ce qu'il veut. Il guide et égare. Donc, il n'a pas de compte à rendre. Tout lui appartient. Donc, il ne faut pas laisser le mauvais suggestion du shaitan. Donc, Dieu fait guide et égare, il fait ce qu'il veut. Il a créé le bien et le mal. Il récompense le bien, il ne récompense pas le mal. Il n'a pas de compte à rendre. Il faut s'arrêter là. Le prophète, il l'a dit carrément, il a dit que ça nous a expliqué que qu'on peut pas, dans le hadith, il nous explique le prophète, qu'on peut pas savoir le secret de la prédestination. On ne peut pas savoir pourquoi nous on existe maintenant et pas à une autre époque. Pourquoi Pharaon est mécréant et pas, c'est pas sa femme. Sa femme était musulmane, lui est mécréant. Pourquoi c'est pas l'inverse? Ça c'est, on ne peut pas savoir. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? Si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu, que c'est impossible, que ça arrive malgré Dieu. Ça tu dois savoir. Mais les choses, Dieu a interdit de connaître et tu ne peux pas connaître. Et d'ailleurs, même aussi, Allah Ta'ala dit, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. C'est-à-dire, il ne cerne pas sa réalité. C'est-à-dire, les créatures ne peuvent pas atteindre la réalité de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu. Tu connais Dieu par ses attributs. Tu ne peux pas cerner la réalité de Dieu. Et c'est pour ça que les savants, comme Abu Bakr, le grand calife, le grand compagnon, l'imam chef et d'autres, ils disent que le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il y a un créateur qu'il est incapable d'atteindre sa réalité. C'est ça le croyant. Donc ça, c'était par Abu Bakr, l'imam chef et d'autres. Le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il y a un créateur, qu'il a les attributs de perfection dignes de lui, et qu'il est incapable d'atteindre sa réalité. Mais celui qui ne veut pas se suffire, et c'est là qu'il s'égare. Et c'est là qu'on voit des sectes égarées qui se réclament de l'islam. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont incapables d'atteindre la réalité de Dieu, et vont vouloir adorer leur passion. Donc ils n'adorent pas Dieu, donc c'est des mécréants. Même s'ils s'habillent comme des musulmans, même s'ils récitent le Coran, ça s'appelle des mécréants. Ils adorent leur passion. Comme les gens de Quraysh, les mécréants, ils fabriquaient des statues, donc c'était leur passion. Ils aiment cette forme, ils la fabriquent, ils l'adorent. Et des gens, maintenant, ils s'imaginent une lumière ou une forme, ils l'adorent. Donc celui qui imagine une forme, il l'adore, c'est un mécréant, c'est pas un musulman. Dieu, le créateur des formes, de l'imagination. Et les grands savants, ils ont déjà dit ces choses-là. Donc comme la parole qu'on a répétée souvent, qui est « مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكْ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكْ » dite par l'imam Ahmad et d'autres. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Donc l'imagination, c'est créé par Dieu. Donc on ne peut pas atteindre sa réalité. Et les savants, ils ont insisté sur la parole Allah mawjoud bila kayf wala makan wala zaman. Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu, c'est la croyance correcte. Donc nous, on connaît Dieu par les attributs cités dans le Coran, que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de début. Seul Dieu n'a pas de début, tout cet univers a un début. Il n'a pas de fin, il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas. Il ne change pas, c'est lui qui a créé l'espace, le temps. Le changement, c'est une créature de Dieu. Tous ces instants que Dieu crée, c'est création de Dieu, c'est ça qui fait le temps. C'est ça qui fait le changement. Et Dieu ne dépend pas du temps. Mais toi, tu ne veux pas atteindre la réalité de Dieu. Déjà, il y a des créatures, tu n'arrives pas à atteindre. Que dire du Créateur? Par exemple, les savants, ils ont cité, la première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Il n'y avait ni obscurité, ni lumière. Personne ne peut atteindre un temps dans son imagination, personne ne peut, c'est-à-dire, imaginer un temps où il y avait ni obscurité ni lumière. Pourtant, il y avait un temps où il y avait ni obscurité ni lumière. Parce que la première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Donc, si il ne peut pas imaginer atteindre des créatures, que dire du Créateur? Donc, on voit bien que le croyant, c'est celui qui reconnaît qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. C'est ça, le croyant. Mais celui qui veut comparer Dieu aux créatures, là, il s'égare. Il est mécréant. Donc Dieu, il ne change pas. Il n'a besoin de rien. Il entend tout. Il voit tout sans organes. Il parle sans langue ni lèvres. La parole de Dieu n'est pas une langue, ni arabe, ni autre. La parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures. Et Dieu... Donc, il est vivant sans cœur, ni âme, ni chair. Il ne meurt pas, il ne s'anéantit pas. comme si c'était dans le Coran, dans Ayat Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. C'est-à-dire, Allah est né de Dieu que lui, le vivant qui ne s'anéantit pas. Donc c'est ça être musulman. Donc vous voyez, c'est ça être musulman. Et c'est ça, on dit tous les prophètes sont musulmans, ça veut dire tous les prophètes, ils ont cette croyance. Donc aucun prophète n'a dit que Dieu est trois, ou que c'est un père, ou que c'est un fils, ou qu'il habite le ciel, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est contraire à la raison saine, c'est réfuté, c'est de l'égarement. Donc l'islam, on voit bien l'islam interdit de croire, l'islam interdit de croire ce qui est contraire à la raison. C'est interdit. Donc Dieu nous a créé, il nous a ordonné des choses. Il a interdit des choses. Il n'a pas, nous a pas créé comme les animaux. Les animaux, ils mangent, ils dorment, ils se reproduisent. Ils ne rendent pas des comptes. Ils n'ont pas la raison. C'est dit dans le Coran que les animaux, et ils vont se rendre des coups, ils vont être ressuscités, ils vont se rendre des coups. Celle qui a frappé une dans cette vie, elle va lui rendre. Après, ils vont être transformés donc en terre. Donc, ils vont être transformés en terre. Donc, c'est dit dans le Coran, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba, dans sourate An-Naba. C'est-à-dire, le mécréant, quand il voit cela, il aurait souhaité être comme eux. C'est pour ça, comme eux, pour éviter la douleur éternelle et insupportable dans l'au-delà. Donc eux, ils subissent pas de douleur de l'enfer. Et donc lui, il aurait souhaité être comme eux. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna sharra ad-dawab 'inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun. C'est-à-dire les pires des créatures, selon le jugement de Dieu, c'est les mécréants. Que les animaux, ils sont pas mécréants, donc ils ont pas la raison. Donc ils rendent pas des comptes. C'est pour cela Allah nous montre clairement dans ces ayats que le pire des états, c'est le mécréant. Les animaux, même le porc, ils vont pas en enfer. Donc c'est qui le pire des états? C'est la mécréance, d'être mécréant. Et voilà, dans cette ayah, dans cette même sourate, Allah dit jaza'un wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. C'est-à-dire, ils vont rester éternellement en enfer, et ça, c'est parce que eux, ils voulaient toujours rester mécréants. Pour eux, ils voulaient rester tout le temps mécréants. Donc, ils vont rester tout le temps en enfer. Donc, c'est cela, la croyance de l'islam, la croyance des prophètes. Qui est donc la croyance en l'unicité de Dieu, qui ne ressemble pas à ses créatures, que rien n'est tel que lui, et rien n'est de ressemblance à lui. Donc celui qui croit le contraire de cela, il n'a pas d'excuse. Donc ça, c'est important de le savoir. Croire une croyance contraire à la raison, il n'y a pas d'excuse, quoique la personne fût ignorante. Même si elle est très ignorante, ou elle a bouquiné des livres à droite et à gauche, ou elle a fréquenté des mauvais gens qui expliquent mal la religion, il n'y a pas d'excuse. Pour être une vraie musulmane, elle doit se corriger. Comment on se corrige? C'est faut délaisser la mécréance et dire les deux témoignages pour entrer en islam. Parce que là aussi, il faut faire attention, parce que il y a les livres qu'on trouve, parce que la religion, c'est pas en bouquinant des livres tout seul. Mais malheureusement, il y a beaucoup de livres, soi-disant des traductions du Coran, du Hadith, qu'on trouve même dans les supermarchés maintenant. On les trouve. Et donc, où il y a ils attribuent à Dieu la forme, la couleur, tout ça. Ça, c'est l'humeur, la colère, etc. Et ça, ce n'est pas digne de Dieu. C'est pas digne de Dieu. Parce que celui qui a une forme, celui qui attribue du changement, de la colère, de l'humeur, tout ça, ça implique un changement, ça implique la quantification. Et celui qui est ainsi, c'est pas Dieu. C'est une créature. Donc celui qui croit une croyance contraire à la raison, c'est de la mécréance. Faire attention de ne pas tomber dans le piège de dire, de bouquiner un livre, de dire, Ah oui, il y a un hadith qui dit que Dieu habite le ciel, ou qu'il monte, qu'il descend, ou qu'il a des pieds ou des mains. Parce que c'est des traductions. Alors que le texte, en arabe, ne veut pas dire ça. Parce que, il faut savoir que, il y a ce qu'on appelle, dans les langues, que ce soit l'arabe et autres, c'est ce qu'on appelle le sens premier, le sens figuré. Ça, ça existe dans quasiment toutes les langues. Comme on dit, je te donne un coup de main, bah, c'est un sens figuré. On dit, le roi, il a conquis telle ville, c'est un sens figuré. Ou il a construit telle ville, etc. Ça existe souvent, le sens figuré. Bah, en arabe, dans le Coran, dans le hadith, il est cité ce sens figuré. Où il y a ce qu'on appelle le mot qui a un ou plusieurs sens. Tout ça, ça existe dans les langues. On dit, la table est dressée, l'animal est dressé. C'est le même mot, mais c'est pas le même sens. Bah, en arabe, donc, il existe ces choses-là, et malheureusement, certaines personnes utilisent la religion pour l'argent, donc ils vont bâcler, traduire, soi-disant tout le Coran en des petits livres qu'ils vendent, et puis ils induisent les gens en erreur. Par exemple, on va donner quelques exemples, par exemple, quand il est cité dans le Coran, dans le Hadith, au sujet de Dieu, Yadullah, ça veut dire la puissance de Dieu. Le mot Yad peut avoir le sens de main ou de puissance, de plusieurs sens. C'est expliqué par les grands savants et les grands linguistes arabes. Le mot Wajh peut avoir le sens de visage ou autre en arabe. Le Bukhari, un grand savant musulman, il explique Wajh au sujet de Dieu dans le Coran, ça veut dire la souveraineté de Dieu. Le Wajh au sujet de Dieu, ça veut dire l'obéissance de Dieu. Istawa, par exemple, au sujet de Dieu, ça veut dire dominer, maintenir en existence, préserver. Donc c'est logique, de façon générale, dans la linguistique, c'est de prendre le sens qui correspond au contexte. Enfin, c'est logique. Et ben, dans la religion, quand ça parle au sujet de Dieu, bien sûr, il faut absolument là que ce soit correspondant au contexte, ça veut dire que ce soit digne de Dieu. Donc cela nous montre comment la religion est facile aussi. Mais si on n'a pas appris avec la bonne méthode, on est perdu. Mais si on l'apprend, on voit que c'est très facile, en fait, la religion. Donc celui qui ne suit pas la vérité, il n'a pas d'excuse. Donc comme on l'a dit, c'est interdit en islam de croire ce qui est contraire à la raison. Et on a dit, on n'est pas comme les animaux. Donc il ne faut pas dire, comme disent certains ignorants, on peut croire ce qu'on veut. Dans l'islam, c'est interdit. Il y a une règle dans l'islam, ce que Dieu a interdit, on n'a pas le droit de rendre ça, c'est-à-dire ne pas qualifier de bien, ou on ne qualifie pas de bien ce que Dieu a interdit. D'accord ? Et on ne qualifie pas de blâmable ce que Dieu a considéré dans sa loi comme louable. Ça revient à la règle qu'on a citée tout à l'heure, démentir la religion. Donc Dieu intervient la mécréance, donc la mécréance c'est interdit, point à la ligne. Pas dire, ah oui, c'est pas grave. Ça rentre dans la règle qu'on a dit tout à l'heure, approuver la mécréance. Approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Donc suivre la vérité, c'est un devoir. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin des créatures. Mais Dieu a ordonné. Celui qui suit, il sera gagnant. Celui qui ne suit pas, il sera perdant. Et puis, Dieu récompense par sa grâce. Il n'est pas obligé de récompenser. On ne dit pas, on a fait le bien de Dieu. Ça, c'est important, parce qu'il y a des sectes qui disent ça. Le prophète nous a mis en garde dans le hadith que il a dit ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf une. Il a dit tous en enfer sauf une. C'est la majorité, c'est les sunnites. Sunnites, ça vient de sunna, sunna, c'est-à-dire voix. C'est-à-dire la voix du prophète. C'est ce qu'on appelle les sunnites. C'est ceux qui suivent la voix du prophète. C'est pas juste qu'ils se réclament, bien sûr, avec des preuves qu'on a dit. C'est pas on va suivre juste parce qu'il dit qu'il est sunnite, parce qu'il faut les preuves. comme on a expliqué. Parce que la voix du prophète, elle a des preuves, comme le Coran nous l'indique. Donc parmi les sectes, il y en a qui font ressembler Dieu à ses créatures, comme on a dit, ils assimilent Dieu aux créatures. Il y en a qui disent des choses contraires à la religion, comme ceux qui disent que Dieu est obligé, il est obligé de nous récompenser. C'est faux, ça. Donc, la définition de la récompense, que c'est ce dont sera rétribué le croyant, parce que la récompense c'est que pour le croyant, le musulman, dans l'au-delà, parmi les choses qui vont le réjouir. Et c'est une grâce de la part de Dieu. Comment on peut dire, nous, si meurt musulman, il aura la récompense? Ça ne veut pas dire qu'on oblige Dieu, on considère que c'est obligatoire sur lui, non. Parce que Dieu nous a informés, il a promis la récompense à celui qui meurt musulman. Ça ne veut pas dire que Dieu il est obligé de châtier aussi, non. Mais le châtiment de Dieu est une justice. Et Dieu a menacé du châtiment. Il nous a informés que celui qui meurt mécréant, ça, il va subir le châtiment éternel en enfer. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est ce qu'on appelle juger selon la loi de Dieu. Parce que les gens ignorants, l'ignorance peut mener à l'extrême d'un côté ou d'un autre. Parce que l'extrême peut être d'un côté et d'un autre aussi. Certains ignorants, Dieu a envoyé les prophètes parce qu'on ne peut pas trouver tout ce qui mène au paradis tout seul. Certains ignorants, ils vont dire, ah oui, mais tu juges personne. Parce que c'est ignorant. Dans l'islam, c'est obligé de juger, mais selon la loi de Dieu. Et c'est ce que les exemples qu'on a dit. S'il meurt mécréant, le jugement, c'est qu'il mérite l'enfer. C'est un jugement. S'il meurt musulman, le jugement, c'est qu'il mérite le paradis. Quand on dit, s'il meurt musulman, il va au paradis, ça veut pas dire du tout, lui, il va au paradis. C'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez, s'il meurt musulman, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a, à cause d'une certaine faiblesse d'esprit, ils peuvent confondre les deux. On dira, ah, mais qui es-tu pour dire il va au paradis? On n'a pas dit, lui, il va au paradis. On connaît pas les choses cachées. On sait pas comment il va venir sa vie. On dit, s'il meurt musulman, il va au paradis. S'il meurt mécréant, comment il va finir sa vie, c'est autre chose. Ça, c'est, tu sais pas. Donc, le jugement, ça veut dire qu'il est lié au présent. Là, maintenant, il est sur l'écran. S'il meurt comme ça, mais le futur, tu connais pas. Donc ça, c'est des règles que les prophètes ont transmises. Donc ça n'a pas été inventé comme ça. Donc, les prophètes aussi, il faut savoir, parmi la préservation que Dieu leur a donnée, il a fait d'eux les meilleurs des créatures, les prophètes, sont meilleurs que les anges. Dieu les a préservés de tout ce qui est de bassesse, d'indécence, de vilenie, du mensonge. Ils mentent jamais, ils ne trahissent jamais. Les grands péchés, ils ne font pas les grands péchés comme se suicider ou la fornication, ils sont préservés de ces choses-là. Ce sont des modèles pour les gens. Et les prophètes sont préservés de la mécréance, bien sûr. Ils n'ont jamais adoré les astres et les statues avec leur peuple. Dieu les a préservés, car c'est Dieu qui préserve. Pour faire d'eux des modèles. Donc il a fait d'eux les meilleurs des créatures, ils sont meilleurs que les anges, les prophètes. Et même le prophète nous dit d'autres caractéristiques parmi elles, qui est une belle apparence, une belle voix. Il a dit, Dieu a envoyé les prophètes, tous ils ont un beau visage, une belle voix. Et certes, votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Certes, votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Donc ce sont les meilleurs des créatures, les prophètes. Et tous ils ont cette croyance-là. Donc, et c'est ça que ça veut dire l'islam, en fait. L'islam, c'est pas... Donc, malheureusement, beaucoup ils n'ont pas eu ces informations importantes de la religion, ce qui fait donc ils savent pas, ça veut dire quoi islam en fait. Donc islam c'est pas juste l'apparence, c'est la croyance, c'est les fondements qu'on a cités, qu'ont expliqué tous les prophètes, qui ont été révélés dans tous les livres révélés, parce que c'est pour ça qu'on doit croire en tous les livres révélés, les vrais, pas ce qui a été falsifié. Donc le seul vrai, c'est le Coran en arabe. Le reste ont été falsifiés. Donc c'est ce qu'ont expliqué Moussa, Isa, Mohammed, tous ils ont expliqué la même chose. Donc ceux-là, tous les prophètes ont expliqué ces choses-là. Donc celui qui contredit cela, ces choses-là qu'on a dit, c'est de la mécréance. Celui qui doute dessus, c'est de la mécréance. Et même les savants, ils ont dit, même celui qui ne se prononce pas, c'est de la mécréance. Ça veut dire, si quelqu'un dit, ah, je ne dis pas que c'est comme ça, je ne dis pas que c'est le contraire. Tout ça, c'est de la mécréance. Donc dans l'islam, on doit obligatoirement suivre la vérité. Et donc celui qui approuve le contraire de cela, c'est de la mécréance aussi. Celui qui approuve ou qui aide à croire ou à dire le contraire aussi. Donc vous voyez, tout est lié dans la religion. Parce qu'il y a des gens, par exemple, du fait qu'ils sont ignorants, ils vont dire, ah, il y a du porc dedans, ah, je vais donner à mon voisin, il n'est pas musulman. Ben, dans l'islam, aider au péché, c'est un péché. Tu voles pas, mais tu emmènes les gens voler, ben, c'est un péché. Ben, tu aides les gens à croire le contraire de la religion, de l'islam, c'est de la mécréance. Ou tu les emmènes, donc aider, ça peut être oralement, comme poser des questions à quelqu'un en sachant qu'il va dire de la mécréance. Ou physiquement, comme emmener quelqu'un dans un endroit où on va pratiquer la mécréance. Donc la personne n'a pas d'excuse, hein. Bien sûr, le fait de pour l'argent ou pour plaire aux gens, c'est pas une excuse, bien évidemment. Dans la tombe, tout ça ne sera pas utile pour elle. Et comme on l'a dit, si quelqu'un il est tombé dans la mécréance, il doit bien sûr dire le témoignage pour revenir à l'islam. On doit conseiller, si quelqu'un entend de lui une chose contraire à la religion, on doit le conseiller de dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Prononçant les deux témoignages, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager. Donc il y a l'au-delà, donc comme on l'a dit, on doit croire sans aucun doute aussi, pareil, parce que le prophète nous a informé qu'il y a le paradis, l'enfer. Un bon musulman qui a appris la religion, c'est quoi un bon musulman? C'est pas juste il a l'apparence, c'est un musulman qui a appris, qui pratique. Sincèrement, bien sûr, par recherche de la grandeur de Dieu. Et bien sûr, on insiste sur le fait qu'il a appris parce que la bonne intention toute seule ne suffit pas. Parce que les gens, ils ignorent, ils ont tendance à dire « Mon cœur, il est blanc, moi, je veux faire le bien, puis Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur. » Oui, Dieu sait tout, mais Dieu a obligé des choses. Donc, Dieu a obligé que tu fasses la prière avec telle condition. C'est pour cela, par exemple, dans le hadith, le prophète, il dit à quelqu'un « Va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. » « Idhhab wa salli fa innaka lam tusalli » trois fois. Il n'a pas dit c'est pas grave, t'as la bonne intention. Parce que le fait que cet homme il est rentré dans la mosquée, bien sûr il a une bonne intention. Mais le prophète lui a dit va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. C'est-à-dire c'est pas valable. C'est-à-dire il faut que tu apprennes comment accomplir la prière telle que Dieu a ordonné. Parce qu'on va être jugé sur l'intention et les actes. Pas sur l'intention, c'est tout. Allah Ta'ala a dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahar. C'est-à-dire, certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Donc ça, c'est l'ayah qu'on a cité tout à l'heure. Mais ce que je voulais citer, c'est l'autre ayah, c'est Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. C'est-à-dire, certes, lui, il a vu le cœur, sur tout cela, il va rendre des comptes. Donc, il n'a pas dit, certes, le cœur seulement. Le cœur, lui, il a vu, c'est des exemples que Dieu nous a donnés, ça veut dire les mains, les pieds, etc., il va rendre des comptes. C'est pas juste le cœur, les deux. C'est-à-dire, il faut que les deux soient conformes à la loi de Dieu. Non, le cœur et les actes. C'est-à-dire, si tu fais un acte, tu as l'intention de bien pratiquer la prière, mais elle n'est pas valable, tu récites pas bien, tu sais pas te diriger vers la Qibla, tu sais pas couvrir ta zone de pudeur, tu connais pas le temps de prière. C'est pas valable. Donc il faut le cœur et les actes. Et puis la ayah du Coran aussi, dans sourate Al-Kahf, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc Allah nous apprend ici qu'il y en a qui sont égarés, ils pensent faire le bien. Ils sont égarés, mais ils pensent faire le bien. Et ça, on le voit, des gens qui adorent des vaches, eux, ils croient qu'ils sont, font le bien. Ils adorent les statues, pour lui, c'est quelqu'un de pratiquant, etc., etc. Mais, sa croyance est contraire à la raison. Donc, il n'a pas d'excuse, vu qu'il suit une croyance contraire à la raison. Donc, comme on l'a dit aussi, bien sûr, Dieu guide qui veut, égare qui veut, il n'a pas de compte à rendre. C'est lui qui gare et guide. Donc la personne n'a pas d'excuse si, même si elle a la bonne intention, si elle fait des choses contraires à la loi de Dieu. Donc c'est un devoir que d'apprendre. Donc, on a dit croire en l'au-delà, il y a le paradis, il y a l'enfer. Donc le bon musulman, plus la personne le fait, plus elle aura un meilleur niveau. Il y a plusieurs niveaux au paradis. Il y a le niveau des pieux, aussi cité dans le hadith, que Allah Ta'ala a dit, ce qui signifie, j'ai réservé pour mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'a effleuré l'imagination d'aucun humain. Ils mangent, ils dorment par plaisir, etc. Ils n'ont ni faim, ni soif, ils ne se fatiguent pas, ils ne sont jamais attristés, ni chagrinés. Et maintenant, il y a l'enfer aussi. Qui va en enfer? Le mécréant. Mécréant qui remplit, qui a des conditions, qui est pubère. Avant la puberté, la personne ne rend pas de compte. Tout ça, ça vient du hadith, bien sûr. Pubère, il n'est pas fou, et qu'il a entendu la base de l'appel islam. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad et son messager. C'est-à-dire, s'il n'a jamais entendu la base de l'appel islam, même s'il adorait des statues, il ne rend pas des comptes. Parce qu'il n'a pas entendu la base de l'appel islam. Juste la base, celui qui a entendu la base, il n'a pas d'excuse. Donc, on va pas dire dans ce cas, ah oui, mais lui, il savait pas, il a vécu, lui, dans une famille de non-musulmans. On regarde pas est-ce qu'il a vécu dans une famille de non-musulmans, non. On regarde, est-ce qu'il a entendu, une fois de sa vie, qu'il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed et son messager. Quand le prophète, il a envoyé la lettre, Héraclius et Cosroès. Donc, il a expliqué quelques lignes. C'est dans les exemplaires de ces lettres que le prophète a dictées sont dans les livres de Hadith rapportés par les savants. Il disait de Muhammad, l'esclave de Allah et son messager, à un tel, à Héraclius, le roi des Romains, ou Cosroès, le roi des Perses. Il disait rentre en Islam. Donc le sens de la haie, rentre en islam, tu seras sauvé. Et si tu te détournes, tu auras le châtiment. C'est-à-dire, par quelques lignes, il s'est suffi. Lui, c'était un roi chrétien, le Héraclius. Et le Cosroès, c'était un roi et la religion des Mazdéens qui adorent le feu. Du fait qu'ils ont entendu ça, c'est les Mohammed, esclaves de Dieu, ils sont messagers. Ils ont entendu l'appel de l'islam. Ils n'ont pas d'excuse. La prophète l'a considéré, il fallait qu'ils suivent cette vérité. Et dans l'histoire, Bon, Khosroès, il a même pas réfléchi, il a déchiré la lettre. Bon, les deux, c'est des mécréants, les deux sont des mécréants. Sauf que Héraclius, il a cherché à connaître plus, mais l'amour du bas monde l'a privé de suivre la vérité. Parce qu'il s'est renseigné, il a posé des questions à des gens de Quraysh, et il a compris que c'est vraiment un prophète, etc. Mais qu'il ait posé ou non la question, il n'a pas d'excuse du moment qu'il a entendu la base de l'appel d'Islam. Mais lui, il a posé des questions, et il a compris que vraiment c'était un prophète. Mais comme il a vu que ses ministres ils vont se retourner contre lui, s'ils se convertissaient, donc voilà, il s'est dit, bon, comme beaucoup de gens, des mécréants à l'époque du prophète, il y en a, ils savaient qu'il était prophète, surtout des juifs et des chrétiens, ils savaient bien que le prophète était prophète, mais qu'est-ce qui les a empêchés, c'est qu'ils ne voulaient pas perdre le pouvoir qu'ils avaient. Ils ne voulaient pas être des simples gens. Dire si on se convertit, ben on va être des simples gens. Alors que là, on a un pouvoir, les gens se retournent vers nous, c'est-à-dire ils nous considèrent en tant que référence. Donc beaucoup, ils ne sont pas convertis, même les gens de l'époque de mécréants de Quraysh, c'est qu'ils voulaient garder le pouvoir qu'ils avaient. Bien sûr, tout ça, c'est pas une excuse, et Allah nous apprend dans plusieurs versets que le pouvoir, l'argent, les enfants, tout ça, ne sont d'aucune utilité sans l'islam. C'est éphémère. Donc, qui va en enfer, on l'a dit, c'est le mécréant qui remplit les conditions de la responsabilité. Pubère, saint d'esprit, et qui a entendu la base de l'appel d'islam. S'il meurt comme ça, bah, c'est l'enfer pour l'éternité. Bien sûr aussi, plus il a fait de péché, plus il aura de châtiment. Par exemple, un mécréant, il est mécréant, il parle pas aux gens, mais il est mécréant. Et il est pas contre l'islam, et, voilà. Bah, s'il meurt, bah, il va en enfer pour l'éternité. Un autre, c'est un mécréant, mais lui, il appelle à la mécréance, il empêche les gens de suivre l'islam, comme Pharaon. Bah, lui aussi, en enfer. Les deux vont en enfer, mais celui-là, il aura plus de châtiments. Mais les deux, c'est éternellement. C'est-à-dire dans tous les... Donc, il est déjà mécréant, parce que des gens, ils vont suivre leur, c'est-à-dire leur raisonnement personnel, ils vont dire, ben, il est déjà mécréant. Ben, Dieu nous apprend que chaque fois que tu fais la mécréance, ça augmente ton châtiment. Ça fait plus de péchés. Et Dieu nous apprend aussi que à chaque fois, même s'il vole, il ment, etc., il boit de l'alcool, ça fait des péchés en plus, qui vont rajouter dans le châtiment. Ça fait des péchés en plus. Ça, c'est dit clairement dans le Coran. Donc, c'est dit, par exemple, au sujet de Pharaon, qu'il est déjà mécréant, et qu'il a répété. Une fois, il a dit, je ne connais pas pour vous un autre Dieu que moi. 40 ans après, il a dit, je suis votre Dieu suprême. Et Dieu, il dit, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى. C'est-à-dire, rendez compte sur ce qu'il a dit la première fois et la deuxième fois. Alors que la première fois, déjà, il était mécréant. Et ça rendait compte sur tout ça. Et dans un autre verset, Allah nous apprend que les mécréants, il dit illa ashab al-yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna nakhudhu ma'a al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawm ad-din. Donc Allah nous apprend que les mécréants, ils étaient mécréants, ils croyaient pas en l'au-delà, mais ils auront la prière, le jeûne, etc. Donc sur tout cela, il va rendre des comptes. Bien sûr, s'il aurait fait la prière ou le jeûne sans l'islam, ça aurait été pas valable. Et cela nous montre une chose en plus aussi. Donc vous voyez, toutes ces lois, ça vient du Coran. Montre que tu peux pas aider, par exemple, d'une part, bien sûr, un non-musulman, tu peux pas lui dire jeûne, tu ne peux pas lui dire faire la prière, parce que c'est pas valable. Même s'il est arabe, tu connais quelqu'un, il se trouve au bled, et il insulte Dieu, et il veut pas se convertir à l'islam, il veut pas revenir à l'islam, tu peux pas lui dire, viens, on va faire la prière, on vient, on va rompre le jeûne, des choses comme ça, parce que c'est pas valable de lui. Et dans l'islam, t'as pas le droit de faire croire quelqu'un qu'il est musulman alors qu'il n'est pas musulman. qu'il soit arabe, pas arabe, t'as pas le droit de faire croire à quelqu'un qu'il est musulman alors qu'il n'est pas musulman. Par exemple, quelqu'un, tu sais qu'il insulte Dieu, tu vas pas dire, s'il te demande le tapis de prière, tu peux pas lui donner. Parce que si tu lui donnes, c'est comme tu lui dis, ta prière est valable. Alors que les mécréants, il est donc pas borné. Journée, tu ne veux pas lui donner à boire dans l'islam. Parce que tu l'aides au péché, parce que c'est un devoir, parce qu'il va rendre des comptes. C'est un devoir. Même si lui, il ne fait pas le devoir, il reste obligatoire. Donc tu ne peux pas le donner à manger, que ce soit musulman ou non, pendant la journée. Le soir, tu peux donner à manger, mais pas la journée. Donc, parce que comme on l'a dit, c'est pour éphémère. Tu vas t'en servir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais c'est éphémère. Alors que ça, ce qu'on parle, c'est pour l'éternité. Dans cette vie, dans l'au-delà. L'au-delà, c'est éternel. Éternel, ça veut dire sans fin. Ça veut dire, c'est pas des milliards, des milliards, des milliards et des milliards d'années. C'est plus que cela et sans fin. Tout simplement. Donc c'est pour ça que le prophète dit que c'est ça l'intelligent. Parce que si on analyse, c'est vraiment intelligent. Parce que il va donner l'effort nécessaire pour ce qui n'a pas de fin. Donc on voit bien qu'on analyse correctement, c'est qui l'intelligent en fait. C'est pas celui qui a ramassé des milliards ici. Parce que ça reste qu'éphémère, il n'emmène pas un centime avec lui. Et donc, et beaucoup de gens, ils étaient très riches, ils n'ont pas eu le temps de finir de l'argent. Et puis d'autres gens qui ne les aimaient pas, ils en ont profité. Donc tout simplement, ils s'est fatigué pour les autres. Et ça, on le voit beaucoup de fois. Et donc, l'intelligent, c'est ce qui, comme l'a dit le prophète, les gens les plus intelligents, c'est qui se rappellent le plus la mort, c'est qui se rappellent le plus, se préparent le plus. Et l'intelligence, c'est celui qui se rend des comptes à lui-même, qui est pour ce qui est après la mort. Donc ça, c'est la vérité. Parce que chaque seconde, c'est de moins à vivre. Chaque respiration ne revient plus. Chaque seconde, elle revient plus jamais. Chaque seconde passée, elle revient plus jamais. Tu vas plus. Même tout l'or de la terre, tu peux pas ramener une seconde qui est passée. C'est trop tard. Donc l'intelligence, c'est celui qui profite, il sème dans cette vie pour récolter dans l'au-delà. Dans l'au-delà, le regret, c'est trop tard. On peut regretter, mais c'est trop tard. Donc, voilà, donc on a dit, c'est qui le responsable ? C'est important de comprendre. Et donc, ne pratiquez pas, sans renier. Comme les gens, ils ne vont pas faire la prière, mais ils savent que c'est bien, c'est beaucoup de gens. Il sait que c'est bien, c'est quelque chose de bien, c'est obligatoire, il ne renie pas. C'est un musulman désobéissant. S'il se repent avant de mourir, le prophète il a dit, Atta ibn al-zambi kamal la zambala. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait. Donc celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait. Avec les conditions du repentir. Et avant que ce soit trop tard, bien sûr, comme on l'a dit. Il arrête le péché, il apprend, il pratique, il doit rattraper. Donc repentir, c'est pas juste comme ça. Il faut regretter. S'il a volé, il rend l'argent. S'il n'a pas fait 5, 10 ans, 20 ans de prière, il faut rattraper. Après avoir bien appris comment le faire. Parce que s'il fait mal, il faut rattraper ce qui est fait mal. Il n'a pas donné de la zakat, il faut rattraper. Tout ça, ça fait partie du repentir. Mais c'est ouvert, la porte du repentir. S'il n'a pas jeûné, il faut rattraper, etc. C'est-à-dire, il vaut mieux toujours, donc, bien sûr, pratiquer dès qu'on est pubère. C'est plus facile de prier les 5 fois par jour que devoir rattraper 20 ans ou 50 ans de prière, comme certains qui commencent à prier. Certains, Dieu leur pardonne. Donc, c'est les musulmans qui vont se repentir. Et la mort, bien sûr, ne prévient pas. C'est cela. Certains, Dieu leur pardonne. Certains, ils vont en enfer après et ils sortiront. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient croyants. Et ça, ça montre l'importance de la foi. Et le prophète l'a dit, même à un compagnon, il l'a dit, le croyant, il va au paradis, même s'il a fait la fornication, il a volé. Alors, voler la fornication, c'est des grands péchés. le rappeler trois fois. Pour montrer que, du moment qu'il ne s'est pas rendu licite, bien sûr, s'il se rend licite, là, il n'est plus musulman. Là, il n'est plus musulman parce qu'il a démenti. Donc, démentir, c'est renier ce que Dieu a révélé. Par exemple, si quelqu'un, même en plaisantant, il dit manger du pain, c'est interdit en islam. Il y a des gens, ils peuvent faire rire des gens comme ça. Ils sortent de l'islam. Ça arrive, des personnes âgées, ça, juste pour faire rire des gens, vont dire « Ah, c'est haram de boire de l'eau ». Ça, ça annule l'islam. Parce qu'il a considéré interdit ce que Dieu a permis. Considérer interdit ce que Dieu a permis ou considérer permis ce que Dieu a interdit, tout ça, ça c'est démentir la loi de Dieu. Il y a des gens au marché, pour faire rire des gens, ils vont dire « Ah, le porc, il y a du porc halal ». Il sort de l'islam. Même s'il n'a jamais mangé le porc. Parce qu'il a démenti la loi de Dieu. La seule solution, c'est de se convertir de nouveau. Il doit absolument se convertir. Comme quelqu'un qui n'a jamais été musulman. C'est la même chose exactement. Il doit se convertir en délaissant la mécréance. Même s'il est imam, il a 50 ans, il a une barbe, il était à la Mecque. C'est arrivé. Et des gens, ils ont 50 ans, ils plaisantent, ils disent « je ne suis pas musulman ». Et le prophète, il a dit « Akthar khata ibn Adam al-lisani ». C'est-à-dire, la plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. Il a dit « Wala qad qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islami ». C'est-à-dire, ils ont dit la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Il dit « Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhud wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum ». Et si tu les interroges, ils te dirions, nous faisions qui discutaient et plaisantaient, dit, est-ce de Allah, de ses aïe et de son messager que vous plaisantiez, ne vous cherchez pas d'excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir été musulmans. Donc les deux versets qu'on a cités, sur le Tawbah. Et puis dans le hadith, rapporté par Tirmidhi, Bukhari, inna al-abda la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'sa, yahu biha finnari sab'ina khalifa. Certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 ans. Dans un autre hadith, le Prophète nous explique que 70 ans de chute, c'est l'enfer, le fond de l'enfer. La distance de chute pour arriver au fond de l'enfer, c'est 70 ans de chute. 70 ans, c'est beaucoup. Donc, n'arrive au fond que le non-musulman. Une seule parole, il ne voit pas de mal, ça le fait parvenir au fond. Par exemple, des gens, ils croient que c'est juste une parole de plaisanterie ou juste comme ça. Ils disent « je ne suis pas musulman ». Pour lui, c'est rien, c'est vraiment rien. Il va à la mosquée. La prière, tout ce qu'il fait, c'est, ça ne lui sert à rien. Tant qu'il ne se reconvertit pas, il restera mécréant. Il y a des gens, ils acceptent le conseil. Certains, ils font preuve d'orgueil. Donc, ça nous montre le danger de la langue. Il faut préserver son islam, c'est ce qu'il annule. Comment on préserve son islam? En l'apprenant. Comme il a dit un compagnon, celui qui ne connaît pas le mal risque de tant plus d'y tomber. Donc, faire attention. Les portes, le prophète, il l'a dit dans le hadith. Il a dit, Al-jannatu aqrabu ila hadikum min shiraki na'lihi, wa an-naru mithlu dhalik. Il a dit, le paradis est plus proche de vous que le lanière de souliers. Et l'enfer aussi. L'enfer et le paradis, c'est proche, il a dit. Que la lanière de souliers, ça va. C'est un sens figuré ici. La lanière de souliers, c'est après épais comme ça. Comme les sandales, comme ça. C'est-à-dire, peu d'actes te mènent en enfer et peu d'actes te mènent au paradis. Une parole, vous voyez. Donc deux, une fois le prophète, il est, un mécréant, il est venu, pendant la bataille, il a dit, Aslim am uqatil. Il a dit, est-ce que je rentre en islam ou je vais au combat? Il a dit, rentre en islam. Il a témoigné. Il a combattu, il est mort. Le prophète, il a dit, amila qalilan ujira kathira. Il a œuvré peu, il a gagné beaucoup. Voilà. Il était mécréant, mécréant. Il s'est converti et il est mort martyr. Le paradis plus proche que la lanière du soulier, l'enfer aussi. Alors quelqu'un, il s'énerve, vous, moi. Et il dit la mécréance, après il meurt mécréant. Donc vous voyez, l'importance de l'apprentissage. Donc, faire attention. La plupart des péchés de fils de Adam proviennent de sa langue. Donc il ne faut pas insulter l'islam, les prophètes, les anges, ne pas accepter la mécréance. Celui qui accepte ou se moque des prophètes, sort de l'islam, celui qui fait ressembler Dieu à ses créatures, démentir la loi de Dieu. Donc, par exemple, si quelqu'un, un exemple, insulter tous les hommes dans l'absolu, faire attention, parce que les hommes, ça englobe les prophètes. Donc, c'est des exemples. Si quelqu'un ne l'apprend pas, il peut tomber dans ces pièges-là. Et la plupart des péchés du fils de Haine proviennent de sa langue. Comment la personne se corrige? Parler du témoignage. C'est valable dans n'importe quelle langue. Comme quelqu'un qui veut se convertir, on ne dit pas attends ou. Il ne sait pas dire en arabe, on ne dit pas dis en arabe alors qu'il ne sait pas. On peut dire en français, il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. S'il ne sait pas dire Muhammad, il peut dire le surnom du prophète, c'est Abul Qasim ou Abul Ghassim est le messager de Dieu. Donc vous voyez ces règles importantes à connaître. Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce qu'il y a une question? Vous êtes bienvenue, Inch'Allah, pour les cours. Vous avez demandé un moment pour une preuve dans le Coran pour dire que. Enfin, qui montrait que tous les prophètes étaient. On ne l'a pas cité. Et celle qui signifie celui qui prend pour religion autre que l'islam ne sera pas accepté de lui. Il sera parmi les perdants le jour dernier. Un prophète ne peut pas être perdant le jour dernier. Il y a d'autres versets. Par exemple, là, nous farriqu bayna ahadin min rusuli. C'est-à-dire, on ne fait pas de différence. C'est-à-dire dans la foi. Parce que dans un autre verset, il dit « Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd ». C'est-à-dire les prophètes, Dieu leur a donné des degrés supérieurs les uns aux autres. Donc ça veut dire quoi alors la nufal? Ça veut pas dire dans le degré, mais dans la foi. « Washhad bi'anna muslimoun ». Les gens qui suivaient Isa, ils ont dit « Washhad bi'anna muslimoun ». Témoignent que nous sommes musulmans. D'autres aussi, les descendants de Sayyidina Ibrahim qui disent « Wa nahnu lahu muslimoun ». Etc. Donc il y a plusieurs versets, bien sûr. Oui. Les autres religions, elles viennent d'où? Bah, c'est des humains qui inventent des religions. Des religions, il y en a beaucoup. En Inde, il y a plus de 300 religions. Il y a d'or des rats, des vaches, des éléphants, des statues. Plus de 300 religions. Et le judaïsme, le christianisme, c'était des gens qui ont falsifié la voix de Isa. Comme le wahhabite. Le wahhabite, c'est une autre religion. Hein. Le wahhabisme, ceux qui disent soi-disant salafite, c'est une autre religion. Ils adorent une imagination. Et ils prétendent suivre Mohammed. Eux, les chrétiens, ils prétendent suivre Isa ben, comme ces gens-là. Et ils disent que Dieu, c'est une forme. Vous voyez là, même aussi, la secte, je sais, c'était tout à l'heure, Mu'tazi, là aussi. Ils prétendent suivre Mohammed. Il y en a qui prétendent des musulmans, ils ont adoré l'imam Ali à son époque. Donc, c'est qui font Non, c'est une autre. C'est une autre. Bon, les chiites qui. Certains qui disent comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on voit, on doit savoir tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pourquoi ça existe, Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu voulait, tout le monde serait comme les anges. Certains savants, ils ont dit plus que les gouttes, plus que les grains de sable. Ils sont tous musulmans. Alors que tous les humains, par rapport à eux, c'est rien. Ils sont tous musulmans. Si Dieu voulait, les humains, ils seraient tous des musulmans. Les djinns aussi. Les anges sont très très nombreux. Ils sont tous musulmans. Ils font tout ce que Dieu ordonne. Mais Dieu a fait que les prophètes soient meilleurs que les anges. Donc on voit, il y a des questions, bon, on n'a pas besoin de les poser, si ça existe, Dieu qui a voulu, il fait ce qu'il veut, Dieu. Il n'a pas de compte à rendre. Mais nous, on doit croire, si ça existe, ça ne peut pas exister malgré Dieu, parce que c'est impossible, sans la raison, que quelque chose arrive malgré Dieu. Et puis c'est dit dans le Coran, plusieurs versets qui nous montrent que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des gens égarés. Quand Sayyidina Moussa est venu, dans le Coran, il est cité, il a trouvé des gens qui adoraient de veaux, il a dit, « In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha. » C'est une preuve de ta part, ô Dieu, par laquelle tu égares qui tu veux. Clairement. D'accord? Donc on va dire, La ilaha illallah, on répète, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, on répète ça. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc en français on le dit pour comme ça la personne, ça peut arriver de son entourage qu'elle fréquente des gens qu'il faudrait devenir musulman, qu'elle se bloque pas. Donc en français, né de Dieu que Dieu. Muhammad est le messager de Dieu. Muhammad, c'est pas Muhammad. Muhammad, en arabe, quand il y a un doublement, si on enlève, si on a enlevé une lettre, c'est pas Muhammad, c'est Muhammad. Le M, il est doublé, le mime, en fait. Muhammad est le messager de Dieu. Muhammad est le messager de Dieu. C'est valable de dire Ahmed, on peut dire aussi Abul Ghassim. Répétez, Abul Ghassim est le messager de Dieu. C'est arrivé, donc on a converti beaucoup de gens, ils disent Abul Ghassim. Ils n'arrivent pas à dire Muhammad parce que c'est pas valable de dire Mahomet, Muhammad. Ils ne savent pas dire, les savants ils ont dit, ils peuvent dire Abul Qasim ou Abul Ghassim. Abul Ghassim, la plupart ils disent Abul Ghassim est le messager de Dieu. Parce que convertir quelqu'un, le prophète il a dit que tu sois la cause de la guidée de quelqu'un, c'est mieux pour toi que le bas monde ce qu'il contient. Que Dieu t'accorde cette faveur, c'est mieux pour toi que le bas monde ce qu'il contient. C'est clair? Voilà, donc 59, on a fini. Pile. Inch'Allah, prochain cours.